Un été au bord du lac de Tsouk. On prend les mêmes et on recommence. Première semaine de juillet, train de nuit Bruxelles-Bâle, sous la surveillance d'une émissaire de Pro Juventute. Réception par Tata Maria et Tonton Valti à Bâle. Route en voiture jusque chez les Durer à Kram. Très jolie petite bourgade dans le canton de Tsouk. Dès son arrivée, Faustine fait connaissance avec Ruth et sa maman devant des montagnes de friandises. Des galettes de maïs aux raisins secs, des feuilletés aux noisettes et des pains aux poires. Mère et fille ont vraiment mis le paquet. L'accueil est plus que chaleureux. Voilà de grandes vacances qui commencent bien. Faustine dormira dans la chambre de Peter, le stagiaire de ses parents. C'est une très jolie chambre, toute boisée, avec un lit bateau muni d'un duvet merveilleusement moelleux. Le jeune homme a appris le français avec de grands classiques. Si Faustine veut lire le soir, elle aura le choix entre un gros dictionnaire français-allemand, Guerre et paix, ou encore Crime et châtiment. La modeste pension que les parents de Faustine versent au Durer permet à ceux-ci de louer des mini-vélos. Rien n'aurait pu rendre les filles plus heureuses. Les premiers jours se passent à explorer les environs, roulant toujours sur les trottoirs. Elles vont depuis la maison jusqu'au lac, puis rejoignent maman Durer qui travaille à l'entrée de la ville en tant que garde-barrière. Le passage à niveau est situé juste à côté d'une importante scierie. Deux terrains de jeu extraordinaires. D'une part, la petite gare désaffectée qui n'accueille plus de passagers depuis longtemps, mais a conservé les distributeurs à billets, les poinçonneuses et la caisse enregistreuse. D'autre part, le gigantesque hangar avec ses troncs sciés juxtaposés irrégulièrement qui s'échelonnent jusqu'au toit et qu'on peut escalader sur plusieurs mètres de hauteur. Entre certains troncs, il y a des niches qui font office de postes de pilotage. Des chutes de sapins en guise d'ailes et hop, on se trouve dans un biplan à 10 mètres au-dessus du sol. On y rajoute un semblant d'hélice, un tableau de bord avec des copeaux, et c'est parti. Le baron rouge contre-attaque. Quand elles sont fatiguées, les pilotes se transforment en chefs de gare. Elles pourvoient à la vente des billets, à l'installation de passagers dans des trains imaginaires, et au contrôle de leur titre de transport. Papier, bête. Puis, en imitant Lucky Luke, elles collent une oreille sur les rails et écoutent si le train arrive. « Vite, passons, avant que les Apaches nous rattrapent dans la grande prairie, si nous ne voulons pas finir attachés au totem. » Les jours où maman Durer ne travaille pas, les amusements ne manquent pas autour de la maison. À l'aide de quelques vieux draps, le séchoir parapluie du jardin est vite transformé en tipi, sous lequel on a installé une table et fait chauffer du chocolat à la bougie dans une petite casserole. On y trempera des fruits, fraises et bananes. Tout le monde connaît ça. Les gamines ont prié, supplié, afin de pouvoir dormir une nuit dans leur tente improvisée. Elles ont fini par obtenir la permission et des couvertures. Mais au bout de 2 heures à peine, elles sont rentrées frigorifiées et terrorisées. Elles ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse si froid la nuit en été, ni surtout à entendre autant de bruits bizarres. Quand le soleil tape fort, Faustine et Ruth vont se baigner dans le lac. Faustine n'a pas trop l'habitude des lacs, et les cailloux de la rive, comme les désagréables algues chatouilleuses et visqueuses, lui semblent assez inconfortables. Mais elle s'y fait vite. Un jour, les fillettes, en levant les yeux pendant leur nage, aperçoivent sur la berge un individu bizarre. Il est vêtu d'un long peignoir qui l'ouvre brusquement au moment où les nageuses passent, révélant sa nudité. Curieuses, les gamines, qui sont à une dizaine de mètres de là et n'ont pas bien vu la première fois, passent et repassent avant d'aller, en toute innocence, dénoncer l'exhibitionniste à un adulte assis un peu plus loin. Celui-ci, furibard, interpelle bruyamment le satyre qui disparaît aussitôt dans les broussailles. Plus tard, à la maison, les fillettes racontent toute l'histoire à maman Durer, qui se fâche tout rouge aussi. Elle leur interdit de retourner nager à cet endroit. Faustine trouve que les adultes prennent vraiment tout trop au sérieux. Depuis la mi-juillet, maman Durer est aussi en vacances. Comme beaucoup de Suisses, elle est férue de randonnées en montagne. Dans la région suisse alémanique, ce ne sont pas les sommets qui manquent, ni les téléphériques, ni les trains à crémaillère. Cet été-là, Faustine a une chance unique et considérable de visiter certains des plus beaux sommets de son pays. Munie des attributs du marcheur, chaussures de marche correctes, lunettes de soleil et pique-nique conséquent, la petite troupe se lève à l'aube et se met en route en direction de la gare. Plusieurs changements de correspondance, train et carte postale sont nécessaires avant d'arriver à la gare de départ du chenillard à crémaillère qui emmène les touristes sur le sommet choisi. Une fois là-haut, elles admirent la vue époustouflante pendant un bon moment, se rafraîchissent à la buvette quand il y en a une, puis entament la descente par des sentiers escarpés. Elle peut durer entre 5 et 8 heures. Faustine apprécie chaque instant de ses sorties. Imaginez, au matin, on touche les nuages et quelques heures plus tard, on se retrouve au bord d'un lac. N'est-ce pas sensationnel? Chaussée légèrement, sans charge sur le dos, puisque c'est l'adulte qui porte tout, elle dévale les sentiers et les pâturages en sautillant comme une jeune chèvre. Avec Ruth, elle court devant, longe les cours d'eau à fleurs de prairie, zigzag entre les bousses de vaches et les vaches. Elles se sculptent des bâtons de marche avec leurs petits couteaux. Vers midi, elles s'arrêteront dans un endroit particulièrement joli. Mais quel endroit ne l'est pas dans ces paysages? Y dévoreront des sandwichs, ou parfois, quand c'est possible, allumeront un feu de bois sur lequel elles grilleront un cervelas au bout d'une pique. Quelques heures plus tard, parvenue au terme de sa promenade, le trio s'arrêtera dans un restaurant accueillant, y dégustera la spécialité du coin, tarte aux myrtilles ou meringue glacée, puis prendra le train du retour. Arrivée à la maison tard dans la soirée, adultes et fillettes, terrassées par la fatigue, retrouveront leur duvet avec plaisir. Ainsi, en 2 semaines, auront-elles gravi et dévalé le Rigi, montagne pionnière du tourisme alpin, puisqu'on dit que la reine Victoria y venait en chaise à porteurs, puis le mont Pilate, d'où on peut voir tous les sommets des Alpes, la ville de Lucerne et les lacs de Suisse centrale. Elles auront pris le bateau à Lucerne, qui termine sa course au pied du Burgenstock, puis un téléphérique rejoignant le sommet, d'où on a une vue époustouflante sur le lac des Quatre Cantons. Faustine aurait bien aimé prendre le dernier train à vapeur de Suisse qui monte sur le Brienzen, retourne, mais ça n'a pas été possible. À la place, maman Durer a prévu une belle surprise. Elle a réservé des lits dans un refuge d'altitude. Trübsee est un petit lac de montagne niché au pied du Titlis et faisant face au Graustock, deux sommets imposants. À cette hauteur, il n'y a plus de végétation, mais des marmottes, et parfois des chamois et des edelweiss. On y accède quand elle est férique. En ce mois d'août 1969, notre trio prend donc le train jusqu'à Lucerne, puis se promène dans la ville en attendant l'heure du départ vers Engelberg, d'où il prendra le téléphérique. Le terminus est à peu près de 1800 mètres. On parvient au refuge qui se trouve de l'autre côté, après une bonne demi-heure de marche au bord du lac. Il est 15 heures passées quand enfin nos 3 amis entrent dans la salle commune où gronde un gros fourneau à bois rouge à éclater. La première chose qu'elle voit est une jeune femme qui pétrit de la pâte sur une grande table. Plusieurs tresses briochées sont prêtes devant elle. Son bébé dort dans un berceau à ses côtés. En attendant que les tresses gonflent et dorment dans la cuisinière à bois, maman Durer, Ruth et Faustine s'installent dans le dortoir qui occupe tout le dernier niveau du bâtiment. Au fond de celui-ci, une fenêtre. Sur chaque côté, une banquette de 10 mètres de longueur sur 2 de profondeur. Celle-ci, garnie de matelas arrimés côte à côte, est fermée par une planche empêchant que les dormeurs glissent vers le couloir central. Les filles choisissent 3 matelas le plus près possible de la porte. 2 pots de chambre, disposés dans 10 petits placards sous les banquettes, évitent de devoir descendre les escaliers hasardeux pendant la nuit. Au matin, on les videra par la fenêtre, en faisant attention que personne ne passe dessous. Comme il s'agit d'un refuge et non d'un hôtel, maman du rare a apporté de quoi manger pour la durée du séjour. Tout est remisé à l'office dans un casier à son nom. Cela ne l'empêche pas d'acheter à la gérante une des succulentes tresses qui vient de sortir du four. Demain, on ira au bord du lac avec un petit réchaud à méta. Ce sont des tablettes de métaldéhyde, combustible solide de combustion lente, s'enflammant facilement. Il y aura aussi une casserole, trois tasses, des bouillons cubes et un morceau de pain. Et on fera un délicieux pique-nique. Le troisième jour, c'est le 15 août, l'anniversaire de Faustine. J'ai tombé 40 cm de neige dans la nuit. Au réveil, tous les sommets sont blancs. Quel beau cadeau, c'est fantastique! Faustine a reçu un petit Olympus et plusieurs rouleaux de pellicule. Elle mitraille à tout va. Dans l'après-midi, le grand-père de la jeune gérante du refuge sort son corps des Alpes et joue une mélodie particulière. D'un geste, il signifie à ses auditrices de tendre l'oreille. Quelques minutes plus tard, de l'autre côté de la vallée répond un autre aïeul. C'est ainsi qu'ils se communiquent d'un sommet à l'autre, qu'ils vont bientôt redescendre en plaine avec le troupeau. Faustine profite à fond de ses journées dans cette nature sauvage. Alors que Ruth et sa maman restent aux abords du refuge, elle crapahute dans les environs et dépense son inépuisable énergie. Elle court trois fois autour du lac tous les matins, évitant tout bruit, dans l'espoir de surprendre une marmotte. Elle entend leur sifflement bien particulier. Un jour, elle se retrouve nez à nez avec un beau spécimen, debout sur ses pattes arrière. La marmotte et la fillette se fixent intensément quelques secondes. Amis, ennemis, puis la boule de poil part tranquillement se recoucher. La fillette continue son tour, repère les terriers, cherche des edelweiss et espère des chamois. Le soir, elle est sèche, comme on dit ici. Après un bon souper, pain et charcuterie, pris au coin du fourneau en fonte chauffé au rouge, entouré de quelques vachers qui tapent le carton et qui poussent la chansonnette quand ils ont vidé leur pichet de piquette, la compagnie rejoint les dortoirs. Au réveil, tout le monde rigole. À sa grande confusion, Faustine, qui a la bougeotte pendant son sommeil, finit toujours par se retrouver pelotonnée contre l'un ou l'autre des cow-boys suisses allemands. Les vacances se terminent. Il est temps de prendre le chemin du retour. Nouvelle surprise. Plutôt que d'emprunter le téléphérique comme à l'aller, maman Durer s'est organisée avec les vachers afin de participer à la des Alpes. Ainsi, les filles, armées de petites badines, aident les hommes à canaliser le troupeau. Elles ne sont pas peu fières. 3 heures plus tard, tout le monde est rendu à Engelberg. Sur le chemin de la gare, Ruth trouve un billet de 20 francs par terre. Quelle aubaine! Faustine ressent une vilaine morsure de jalousie. Elle a bien sûr sa petite idée sur la manière de dépenser le pactole. Mais maman Durer l'arrête tout de suite. C'est Ruth qui a trouvé l'argent. C'est à elle de le dépenser comme elle l'entend. Au bout de très longs questionnements et recherches, Ruth finit par choisir une caisse enregistreuse jouet. « Que c'est bête !» se dit Faustine. « Dépenser son argent dans une caisse qui sert à garder de l'argent ?» 8 jours plus tard, c'est les yeux encore emplis de visions féeriques que Faustine embrasse sa gentille famille d'accueil et monte dans le train qui la ramène à Bruxelles. La rentrée, c'est bientôt. Faustine se réjouit d'être bientôt parmi les grands, sans compter que pendant qu'elle était absente, des hommes ont marché sur la lune. Et on lui en a rien dit. Il est urgent qu'elle mette à jour ses connaissances historiques.